sais pas quelle heure il est, mais je suis en retard. J'ai plus de batterie, je suis dans la merde. J'ai des rendez-vous prévus. J'serai en retard, c'est prévenu. J'dirais désolé, mais en vrai, j'm'en tape de base. J'voulais pas venir. Bébé devient parano. Bébé devient parano. Veux fouiller mon document. Attends, pardon, pourquoi tu voudrais tout gâcher? Laisse-moi faire, j'suis pas là pour m'amuser. Toutes ces filles te courent après. Toutes ces filles me pointent du doigt. Monsieur, comment allez-vous? J'ai besoin d'un rendez-vous. Monsieur, comment allez-vous? J'ai besoin d'un rendez-vous. On se déchire, on se détruit. Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. On se, oula, oula, oula. On se déchire, on se détruit. Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. On se, oula, oula, oula. J'ai besoin de toi. Mais en vrai, je dirais pas. Et tu le sais, ma fierté prend le dessus. J'ai des rêves et des projets. Plus les jours passent, ils nous dépassent. Tout est éphémère sauf pour toi. Laisse-moi m'envoler. Laisse-moi m'en aller, yeah, yeah, yeah. C'est dans tes bras que tout est magique. Marcher sans toi, imagine. Monsieur, comment allez-vous? J'ai besoin d'un rendez-vous. Monsieur, comment allez-vous? J'ai besoin d'un rendez-vous. On se déchire, on se détruit. Oula, oula, la. Oula, oula, la. On se, oula, oula, la. On se déchire, on se détruit. Oula, oula, la. Oula, oula, la. Oula. On se, oula, oula, la. Oula, oula, la. On se, oula, oula, la. Oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula,